Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gomet du Pré 1860. Question 58. Du mode spécial de la connaissance angélique. Que les anges connaissent plusieurs choses à la fois, sans raisonner, sans se tromper. Qu'est-ce que la connaissance matutinale et la connaissance vespertinale? 1. L'entendement des anges est-il parfois en puissance et parfois en acte? L'intelligence peut être en puissance de deux manières, avant la science, quand elle n'a pas encore trouvé une vérité, après la science, dès qu'elle ne considère pas cette vérité. Note. La puissance s'entend ici de la passivité ou capacité de recevoir. Fin de la note. Les anges, dans le premier sens, ne sont jamais en puissance pour les choses qu'ils connaissent naturellement, leur capacité de connaître est comblée par leurs espèces innées. Avant d'avoir la science, ils ne peuvent être en puissance que par rapport aux vérités qu'ils connaissent par révélation, semblables aux astres qui attendent leur lumière du soleil. De la seconde manière, l'intelligence angélique peut être en puissance par rapport aux choses qu'elle connaît naturellement, car elle ne les considère pas toujours, il n'y a qu'à l'égard du Verbe, qui fait sa béatitude et qu'elle contemple incessamment, qu'elle n'est jamais en puissance. 2. L'ange peut-il comprendre beaucoup de choses à la fois? Que les anges puissent comprendre beaucoup de choses à la fois, c'est une vérité dont il est facile de se convaincre en considérant que les connaissances qu'ils puisent dans le Verbe leur arrivent par l'image de l'essence divine, c'est-à-dire par une seule espèce intelligible. Nous-mêmes, quand nous serons dans la gloire, nous embrasserons d'un coup d'œil tous les objets de nos connaissances. Toutefois, pour ce qui est de la connaissance qu'ils tirent des espèces innées dans leur propre nature, quoiqu'ils connaissent à la fois toutes les choses que la même espèce représente, ils ne connaissent que séparément, et les unes après les autres, celles qui ne sont représentées que par plusieurs espèces. 3. Les anges connaissent-ils d'une manière discursive? L'intelligence humaine acquiert sa perfection en discourant, c'est-à-dire en allant du connu à l'inconnu, mais si, dès qu'elle connaît un principe, elle connaissait en même temps toutes les conséquences qu'il renferme, elle n'aurait pas besoin de raisonner. Or, c'est précisément ce qui a lieu dans les anges, qui voit sur le champ toutes les vérités particulières renfermées dans les idées générales dont ils portent l'empreinte dans leur essence, aussi les appelle-t-on des créatures intelligentes, tandis que nous recevons le nom de créatures raisonnables, qualificatif qui accuse la faiblesse de notre esprit, puisque si nous avions la plénitude de la lumière intellectuelle comme eux, nous comprendrions immédiatement, à la première vue, toutes les vérités que renferment les principes et toutes les conséquences que la raison en peut déduire. 4. Les anges connaissent-ils par composition et division des idées? Doués d'une intelligence parfaite, étant eux-mêmes un miroir pur et limpide, ils discernent du même coup d'œil tous les attributs qui conviennent ou qui répugnent à un sujet, sans avoir besoin d'assembler et de diviser les idées. Sans doute ils n'ignorent pas la composition et la division de nos propositions, pas plus que l'art du syllogisme, mais, pour leur intelligence, le composé est simple, le mobile, immuable, le matériel, immatériel. Ainsi se réfléchissent les choses dans leur entendement. 5. Sont-ils sujets à l'erreur? Comme notre intelligence ne se trompe point sur la nature simple des choses, et que, si elle est sujette à l'erreur, ce n'est que dans le travail de composition et de division, les anges, qui ne procèdent ni par composition ni par division, ne sont pas conduits à l'erreur directement, mais, la nature des êtres n'indiquant pas les modifications qu'ils peuvent subir sous l'action de la divinité, il arrive que les mauvais y tombent pour ce qui a rapport aux faits surnaturels, à l'égard desquels ils nient la puissance de Dieu. 6. Y a-t-il dans les anges une connaissance matutinale, du matin, et une connaissance vespertinale, du soir? Par la connaissance matutinale, saint Augustin entend celle qui voit les choses comme elles sont dans le Verbe, principe primordial de tout être, et, par la connaissance vespertinale, il désigne celle qui perçoit les choses telles qu'elles sont dans leur nature propre. L'être des choses, en effet, découle du Verbe, comme d'un certain principe primordial, par une sorte de procession qui vient aboutir et se terminer à l'être que les choses ont dans leur propre nature. Ces deux sortes de connaissances, dont l'une correspond au matin qui est le principe du jour, l'autre au soir qui en est le terme, se trouvent dans les bons anges. 7. La connaissance matutinale et la connaissance vespertinale n'en forment-elles en réalité qu'une seule? Il y a une grande différence entre connaître les choses dans le Verbe et les connaître dans leur propre nature. Aussi n'est-ce pas sans raison que l'on compare l'une au matin, l'autre au soir. Pour les bons anges, il faut convenir que ces deux sortes de connaissances diffèrent assez peu, car, par la vue du Verbe, ils connaissent tout à la fois et l'être que les choses ont en lui et l'être qu'elles ont en elles-mêmes, de même que Dieu, en voyant son essence, voit ces choses telles qu'elles sont en elles-mêmes. Mais, quand la connaissance vespertinale a pour terme les choses vues en elles-mêmes par les espèces innées qui sont naturelles aux anges, elle diffère essentiellement de la première. Elle ne lui est pas opposée, sans doute, mais elle lui est très inférieure. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.